c'est un chrysanthème. Comme un ouf sur mon gros joint. Deuxième, 26 piges, t'es toujours là sans conjoint. Lumière éteinte, je pose sur cette mélodie que SKA m'a gentiment joint. J'expose mes pros, HNT qui explose, j'ose. En Haïti, c'est deux spi, c'est deux M qu'on passe une pour ces baisser rares qui, chez nous ici, y'a trop de gestes techniques. Une spéciale case dédiée à ma freak freak team, Johan Max et Adri, voilà ma répartie. C'est deuxième qu'on place une pour ces MC. Ce soir au mic, et ouais man, je me fais plaisir. Deuxième représente pour tous ces sauces. Et ouais mec, je cours partout pour mon assos. En solo, en mode jeu de mots, c'est ma démo. Deuxième, deux os, lyricalement vôtre. Entre autres, un MySpace, je plante ma tente. C'est un chrysanthème, la tristesse pour l'attente. Bouge ta tête, liberté, inscrit dans nos gènes. Juste envie de dire et je manie en mode halogène. J'aime déverser mes versets. À défaut d'être chanceux, je sors des faces sensées. Je rêve de faire sauter la banque, redonner le sourire aux miens et ainsi les voir heureux. Fuck le bleu, j'aime laisser mon blast partout. On reste parfois bloqué sur le parcours. Merci aux nombreux artistes qui m'ont donné goût à ce hip-hop qui en fin de compte nous parle à tous. Génération qui rêve de changer tout. Jeune en pleine inspiration qui transmet par Bluetooth. On boule tout, le mal et ses mailles nous attirent tous. Quand bien se fait la malle, il nous refoule. Le mal et ses mailles nous attirent tous. Quand bien se fait la malle, il nous refoule. C'est un chrysanthème, si si. C'est un chrysanthème. C'est la mixtape.